Du coup, on va commencer. Quelques minutes de retard pour laisser les gens arriver. Donc, merci d'être venu ce soir à Bouton Salon. Je vais juste dire un petit mot rapide avant de laisser la parole à Emily Noteris et à Alice Karabedian, donc pour présenter un petit peu le contexte dans lequel s'inscrit l'événement de ce soir. Je suis Garance Malivelle, co-commissaire d'exposition Coworkers à Bouton Salon, exposition en parallèle de laquelle on a conçu un programme d'événements assez dense, intitulé Dark Series, que j'organise avec Barbara Cueto, ici présente. Donc l'idée à travers ces événements, c'est d'aborder les transformations environnementales à travers un prisme élargi qui prenne en compte les questions économiques, sociales et culturelles qui sous-tendent ces transformations environnementales. Donc ces événements rassembleront différents artistes, chercheurs, activistes, groupes d'étudiants, puisqu'on a beaucoup d'événements en collaboration avec certains groupes universitaires, commissaires d'exposition, philosophes ou encore écrivains, qui sont engagés dans des champs d'action différents et qui apporteront donc des éclairages variés et complémentaires sur les questions liées au rapport qu'on entretient avec notre environnement. Donc ce programme se déroulera jusqu'à la fin du mois de janvier et il se décline en différents formats à travers notamment une série de workshops participatifs, d'assemblées qui réunissent différentes personnes autour d'un sujet donné, ou encore de conversations comme c'est le cas ce soir. Et donc vous êtes invités à participer à cette conversation suite à la présentation d'Alice. Donc je vais dire également un tout petit mot de l'invitation qu'on a faite à Emily Noteris, grâce à qui Alice est présente ce soir. Donc Emily se présente comme une travailleuse du texte. Elle est l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment science-fiction, avec par exemple Cosmic Trip qui a été publié en 2008, ou encore Sequoia Drome en 2001. Mais aussi d'essais, donc avec Fétichisme postmoderne qui a été publié en 2010. Et elle prépare en ce moment un ouvrage qui déploie une réflexion croisée sur la science-fiction, le féminisme et la théorie queer. Donc, peut-être que tu voudras en dire un mot tout à l'heure, si tu en dis. Et donc à côté de son travail d'écriture, Emily Noteris est aussi traductrice et responsable de certaines programmations, comme récemment avec le week-end Éco-Queer qui a ouvert les rencontres Bande d'images à Bourges il y a 2 semaines. Et comme ce soir à Béton Salon, puisqu'en fait, quand on s'est rencontré avec Emily il y a quelques mois, on a eu très envie de travailler avec toi. Et on lui a du coup proposé d'organiser non seulement un atelier d'écriture qui est en train de se passer à Béton Salon, puisque la deuxième séance va avoir lieu la semaine prochaine, si tout va bien. Et donc ce cycle d'événements sous le titre Pensée spéculative. Donc il y a 3 invitations que Emily nous a faites, 3 propositions d'invitations. Et donc ce cycle français spéculatif propose de développer, attention, un regard écologique post-catastrophique dans les domaines de la littérature, de la philosophie et de l'acoustique. Donc voilà, ce soir ce sera littérature, puisque la première partie de ce cycle se déroule avec Alice Karabedian, que je te laisse présenter. Voilà. D'accord. Bonsoir. Je vais juste me permettre de faire une petite incursion, étant donné le contexte dans lequel se tient aujourd'hui cette rencontre, sachant que l'université est fermée parce qu'on est en état d'urgence. Donc je vais vous lire un tout petit extrait, ça va durer 2 minutes, d'un texte qui vient de sortir qui s'appelle « L'exercice de la peur, usage politique d'une émotion ». Qui est un dialogue entre l'historien Patrick Bouchemont, l'historien français Patrick Bouchemont et l'historien américain Corey Robin. Donc c'est sorti aux éditions Cul. Donc c'est sur un tout petit extrait qui explique en fait l'utilité de continuer à penser la fiction, à développer des travaux artistiques en période d'urgence. Il n'empêche, déjà les Siennois en 1338 croient sincèrement qu'opposer à la méchanceté du monde un ensemble de beautés rassemblées, des murs peints, des mots, des architectures et des parcours dans la ville, suffira à la neutraliser. La peur, donc. Les théoriciens de la Renaissance estiment que cette idée est source d'une bonne peur, puisqu'elle suscite cette obéissance de qualité politique qu'on appelle l'admiration. Stupéfier l'individu d'admiration devient un moyen honorable de l'amener à se soumettre de lui-même à un ordre qui le dépasse et à la force duquel il consent. Le signe, c'est-à-dire la mise en réserve de la force dans les images et les mots, acquiert de ce fait un pouvoir considérable. En état d'urgence, par avis de tempête, il n'y a parfois que ce moyen, aussi idéaliste soit-il, de s'opposer provisoirement à la peur qui vient. Donc, je vais maintenant vous présenter rapidement Alice Karabedian, qui va enchaîner sur sa présentation. Donc, Alice Karabedian est doctorante au laboratoire de changement social et politique à l'Université Paris Diderot, donc ici. On n'est pas de siège. Voilà. Elle mène des recherches sur la littérature de science-fiction comme laboratoire de pensée et moyen de problématiser les enjeux politiques contemporains. Donc, sa thèse porte sur la relecture et la reconceptualisation de l'utopie politique et critique à travers l'œuvre de Ayaan Behnke. Donc, je vais te laisser annoncer le titre de ton intervention puisque je pense que ça fait partie du déroulé. Donc, je vous souhaite une bonne conférence. Merci. Donc, c'est Ayaan Behnke, je vais le dire à la française. J'ai choisi cette photo parce qu'il a un verre à la main et que, outre le fait que ce soit un auteur de littérature générale et aussi de science-fiction, il a aussi écrit une encyclopédie sur le whisky. Donc, c'est pour vous présenter le personnage. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la narration utopique déviante, destin susceptible de changement. Donc, Ayaan Behnke, il est connu pour un cycle de science-fiction qui s'appelle le cycle de la culture. Lui, il est malheureusement mort en 2013 d'un cancer. Et son cycle, il a commencé à l'écrire en 87 et le dernier tome est sorti en 2012. Ça fait partie du sous-genre du space opéra, qui est une vaste fresque mêlant monde lointain, espèces aliens aux mœurs étranges, aventures, intrigues politiques, civilisation sur le déclin, et on peut ajouter avec Banks, sexe, drogue et rock'n'roll. Donc ce cycle met en scène la culture, qui est une société utopique qui se présente comme telle, d'envergure galactique, pan humaine, profondément hédoniste, hautement technologisé, égalitaire et anarchiste, très cynique et évoluant dans un environnement de post-rareté, c'est-à-dire que les ressources ne sont plus un problème pour elle. La culture se promène dans notre galaxie, mais nous, pauvres terriens, nous n'en faisons pas partie. Elle a près de 10 000 ans et l'histoire de sa fondation, de ses origines, n'importe pas. Comment la culture est devenue l'utopie qu'elle l'est, c'est-à-dire la bonne société, le bon lieu, n'est pas le cœur du propos du discours utopique de Banks. Ce qui importe pour l'auteur n'est pas tant dénoncer les moyens d'arriver à l'utopie, de nous livrer le mode d'emploi ou le programme permettant de réaliser la société idéale dans notre monde, lui bien réel. Ce qu'il nous montre au contraire, c'est qu'à travers ses romans, c'est la question de savoir comment une utopie peut en rester une, ce qui se passe une fois que le bonheur de toutes et tous est a priori assuré. Donc l'utopie, c'est en soi une déviation, du moins dans sa forme littéraire inventée par Thomas More en 1516, pardon. C'est un moyen de prendre de biais la réalité et, sous couvert de la fiction, de faire la critique d'enjeux politiques qui nous concernent aujourd'hui et maintenant. Avant d'être déplacé dans le futur, avant de devenir le modèle de la société idéale, l'utopiste va nous fournir le programme. L'utopie opère par un décentrement qui prend place dans le présent. Et c'est là que réside toute la richesse du néologisme forgé par More, parce que utopie, en grec, peut s'entendre de deux façons. Eutopie, qui signifie le bon lieu, et utopie, qui signifie le non-lieu. Donc à la base, l'utopie n'est pas de l'anticipation ou de la projection d'un avenir radieux qu'il faut espérer. Non, l'utopie, elle est là, quelque part, ne demandant qu'à être découverte. Elle est latente et non absente. Elle est en fiction et en même temps, elle garde un pied ancré sur le rivage du réel. Faire de l'utopie un futur à réaliser, c'est déjà courir le risque de transformer l'utopie en son contraire, en dystopie, qui veut dire le mauvais lieu. En effet, il est reproché à la tradition utopique de présenter par le menu le fonctionnement interne d'une société donnée, souvent faite de répétitions et d'habitudes, société harmonieuse, marquée par l'absence de conflictualité. Bref, une société homogénéisée et finalement assez normative, qui, malgré l'impulsion de départ de transgresser la société réelle et la volonté de proposer un nouveau modèle social, reconstitue un nouvel ordre. Pour le dire autrement, l'utopie, dans son geste initial, déterritorialise, c'est l'image de l'île, mais dans un second temps, elle a tendance à reterritorialiser en s'instituant, bref, en s'enfermant sur son île. Et c'est ce qui fait l'objet des attaques anti-utopistes qui prétendent que l'utopie est destinée à se retourner au pire en cauchemar totalitaire, au mieux en lieu d'un ennui mortel. Tout étant parfait, il ne reste plus rien à espérer de l'avenir, du changement. Tout étant parfait, il n'y a plus de place pour l'excentricité, la spontanéité humaine, la perfection étant forcément synonyme de normes et de cadres finis. Et c'est cette idée de perfection atteinte artificiellement et de force qui a permis de rabattre l'utopie sur le totalitarisme. Il s'agit d'éliminer tous les imparfaits, les parias, et d'étendre la domination totale. Bref, dans les deux cas, l'utopie est dangereuse et inutile. L'utopie au XXIe siècle doit donc changer de forme. Elle ne peut plus simplement être le voyage fictionnel de Thomas More, ni les programmes précis des utopistes du XIXe siècle. Elle doit non seulement faire la critique du monde réel, qui lui donne naissance et qu'elle entend subvertir, mais elle doit aussi faire son autocritique, trouver les moyens de lutter contre sa propre dégénérescence, se remettre en cause aussi bien dans le fond que dans la forme. Elle doit trouver les moyens de sortir de ce que Miguel Abinsour, qui est un philosophe politique, a appelé la dialectique de l'émancipation. Et je le cite, la dialectique de l'émancipation, c'est le mouvement paradoxal par lequel l'émancipation moderne se retourne en son contraire, donne naissance à de nouvelles formes de domination et d'oppression, à la barbarie, et ce, en dépit de l'intentionnalité émancipatrice de départ. En gros, pourquoi toutes les révolutions échouent, enfin, finissent par échouer. Donc l'utopie est avant tout une histoire de brèche, de libération, d'émancipation, de poche de résistance à ce qui se présente comme allant de soi, l'arbitraire de l'insinomé réel. C'est encore une formule d'Abinsour. L'enjeu principal des utopies reste l'ouverture. Même lorsqu'elle hésite, même lorsqu'une utopie écrite à un moment T semble complètement archaïque à un moment T plus 1, elle garde son audace première de critique souvent sensée et de proposition culottée qu'un autre monde est possible. Pour résumer, la force de l'utopie, son actualité au-delà des siècles, réside dans sa capacité à percer des trous d'espérance, à dévoiler les possibles, à sortir de ce qui se présente comme allant de soi, de ce qui semble indépassable, et plus encore à exprimer l'impulsion à l'altérité. Frederick Jameson fait le constat suivant. Il est plus facile d'imaginer la fin du monde que d'imaginer la fin du capitalisme. Il est plus facile d'écrire des récits post-apocalyptiques que d'inventer des utopies. Et pourtant, je le cite dans son ouvrage « Archéologie du futur, le désir nommé utopie », pour adapter la célèbre formule de Madame Thatcher, il n'y a pas d'alternative à l'utopie, et le capitalisme tardif semble n'avoir aucun ennemi naturel. Les fondamentalismes religieux qui résistent à l'impérialisme américain ou occidental n'ayant nullement adopté des positions anticapitalistes. Mais ce n'est pas seulement l'universalité invincible du capitalisme qui est en question. Ce n'est pas l'absence d'ennemis qui constitue un handicap, mais plutôt la croyance universelle que non seulement cette tendance est irréversible, mais que les alternatives historiques au capitalisme se sont avérées non viables et impossibles, qu'un autre système socio-économique est inconcevable et encore moins disponible en pratique. Les utopistes ne proposent pas seulement de concevoir de tels systèmes alternatifs. La forme utopique est elle-même une méditation représentationnelle sur la différence radicale, sur l'altérité radicale et sur la nature systémique de la totalité sociale, si bien que l'on ne peut imaginer de changement fondamental dans notre existence sociale qui n'ait d'abord projeté des visions utopiques comme une comète des étincelles. Donc l'utopie reste une réponse efficace et viable en des temps où les catastrophes économiques, écologiques, politiques ont tendance à effacer toute espérance de changement. Dans un mouvement paradoxal, et donc problématique et on peut dire politique, elle permet de penser au-delà de la catastrophe, qui pourtant lui donne naissance. Elle n'est pas détachée du réel, elle est regard sur le rivage, en même temps que voyage vers un nouveau rapport au monde. C'est une ligne de fuite qui va de la critique à la création. Et pour dessiner cette ligne de fuite, je voudrais faire appel à deux sortes d'utopistes assez différents. Premièrement, Donna Haraway, et deuxièmement, Cyrano de Bergerac, celui qui a existé et qui a écrit « État et empire de la lune et du soleil », mais surtout celui mis en scène par Rostand. Donc Donna Haraway a écrit « Je pense que nous apprenons à devenir du monde en nous colletant avec l'ordinaire plutôt qu'en en tirant de grandes généralités. Je suis une créature de la boue, pas du ciel. » Ce que dit Haraway ici, c'est que pour établir de nouvelles relations entre les habitants de cette planète, il faut redessiner la façon d'appréhender le monde et arrêter de se référer à des idéaux, à une transcendance qui nous écraserait par le haut. Il faut mettre les mains dans la boue, se confronter aux situations particulières, singulières, plutôt que de renvoyer à des concepts historiquement et politiquement situés et uniformisants, comme l'universel avec un grand U, la nature avec un grand N, l'histoire avec un grand H, Dieu ou le destin, etc. Dans la pièce de théâtre d'Edmond Rostand, nous avons cette scène, je ne sais pas si vous êtes très familier avec Cyrano, mais je vais vous expliquer cette scène. Donc on a cette scène où Cyrano, qui vient de défier quelques nobles, se retrouve en face du comte de Guiche, qui le met en garde sur le fait de s'attaquer à plus grand et plus puissant que lui. De Guiche demande à Cyrano s'il a lu Don Quichotte, et plus particulièrement le chapitre où celui-ci prend des moulins pour des géants et les attaque. Je vous lis le dialogue. De Guiche. « Avez-vous lu Don Quichotte, Cyrano ? Je l'ai lu et me découvre au nom de cet hurluberlu. » De Guiche. « Veuillez donc méditer alors sur le chapitre des moulins. » Car lorsqu'on les attaque, il arrive souvent, Cyrano, « J'attaque donc des gens qui tournent à tout vent ?» De Guiche. « qu'un moulinet de leurs grands bras chargés de toile vous lance dans la boue. Et Cyrano répond, ou bien dans les étoiles. Et je crois que nous avons dans cette scène beaucoup d'utopie. Cyrano ne craint pas de s'en prendre aux puissants, aux dominants, et il nous offre une image de l'utopie comme lutte pour l'émancipation et refus de se laisser dominer. Et il ne faut pas s'empêcher de rêver et d'espérer, car à attaquer la réalité, les moulins, on peut découvrir et révéler les étincelles de comètes dont parlait Jameson plus haut. Notre ligne de fuite utopique irait ainsi de la boue, de ces situations particulières et réelles dont parle Haraway et qui sont nécessaires à une nouvelle compréhension du monde, jusqu'aux étoiles dont parle le Cyrano inventé par Rostand, le moyen de transport étant la lutte pour l'émancipation. L'utopie est cette ligne de fuite qui part du réel et se met en mouvement vers de possibles étoiles, qui part de la désastreuse situation dans laquelle nous nous trouvons et tente de changer nos perspectives. Donc nous pouvons revenir maintenant au space opéra, au voyage interstellaire et aux créatures qui peuplent l'imaginaire utopique de Banks. Donc partons d'une scène inaugurale qui me permettra ensuite de dérouler une réflexion sur la relation à l'altérité, telle qu'elle apparaît dans le cycle de la culture. J'avais une image. C'est pas ça. Là, c'est les couvertures des romans de Banks en anglais, mais enfin, ils existent en français. Donc je reviens donc de la relation à l'altérité telle qu'elle apparaît dans le cycle de la culture. Relation à l'altérité qui se manifeste à la fois dans la pensée écologique, comment devenir du monde, dit Haraway, et qui est bien sûr le principal enjeu du genre science-fictionnel. Et à l'intersection de ces deux champs se trouve l'utopie. Donc imaginons cette scène inaugurale. Nous sommes sur une orbitale. Ça. C'est ça. Une parmi des milliers, une sorte d'anneau-monde complètement artificiel, dont la surface équivaut à 30 fois celle de la Terre. Cette orbitale gravite autour d'une étoile, mais peut aussi se déplacer à travers la galaxie, la nôtre. C'est à la fois un monde avec ses continents, ses montagnes, ses océans, ses archipels, et un transport, et le détail est d'importance. Ou peut-être sommes-nous sur un vaisseau spatial gigantesque, un bijou de technologie et un véritable monde encapsulé. Resserrons le cadre. Un bâtiment sûrement très chic et excessivement moderne. Des parcs, des terrasses et une fête qui bat son plein. Des individus très variés s'adonnent à toutes les activités que l'on peut imaginer avoir lieu lors d'une fête très réussie. Chacune et chacun de ces individus est né avec des toxiglandes, ou ses effets greffés par la suite, qui lui permettent de sécréter au choix près de 300 composés chimiques ou hormones correspondant à autant d'états émotionnels et physiologiques. Joyeux, excité, perché, conscience aiguë, vigilance, étourdissement, absence de fatigue, etc. etc. Et le tout sans gueule de bois. Bref, tout le monde s'amuse follement. Si on zoome encore un peu, on voit une personne qui s'apprête à déguster un petit four. Mais consciencieusement et avant de l'engloutir, il se penche sur son assiette et lui demande avec respect « Puis-je te manger ?» À partir de cette situation, j'aimerais évoquer avec vous trois réponses ou propositions d'utopie selon Banks concernant le rapport à l'altérité comme moyen de penser au-delà du désastre. Premièrement, le rapport au monde, à l'environnement. Deuxièmement, le rapport à la technologie, au cyborg. Et enfin, troisièmement, le rapport à l'autre que soi. Donc, si le cycle de Banks ne décrit pas directement ce qu'est la culture en tant que société utopique, comment s'exprime alors l'utopie et surtout, que fait-elle? Comment l'utopie peut-elle échapper à son destin déclinant? Et à travers cette question de l'utopie transparaît bien sûr la question qui nous apporte aujourd'hui, à savoir le destin de la planète et de ses habitants. Mais à la suite de Banks et dans une perspective déviante et proprement paradoxale, il s'agit de dire que tout destin est susceptible de changement. Chaque roman du cycle donne l'occasion d'exemplifier ce que peut faire la culture dans la galaxie, de telle sorte qu'il est impossible d'avoir une vision totale ou globale de la culture, mais offre au contraire un portrait fragmentaire de la société utopique. Donc en fait, je suis en train de faire tout le contraire de ce que Banks fait dans ses romans, c'est-à-dire que j'essaye de vous offrir un portrait un peu délimité de la chose. Donc chaque roman de la culture se passe en marge de cette société utopique. On y retrouve des membres de la seule institution que comporte cette société anarchiste, qui s'appelle Contact, qui a pour mission de rencontrer de nouvelles civilisations, un peu à la Star Trek. Et parfois, la culture se fait interventionniste et décide d'intervenir dans un conflit sur une planète, car ce qui s'y passe va à l'encontre du bon sens et de la raison. Des mondes où la domination est totale, où il n'y a pas de liberté, où l'oppression règne. bref, des mondes qui sont son plus complet opposé, des dystopies. Grâce à ces mercenaires qui font partie de la sous-section de contact qui s'appelle Circonstances spéciales, la culture s'immisce dans les affaires d'autrui pour faire pencher la balance vers un peu plus de liberté, un peu plus d'égalité. Donc elle ne les colonise pas, elle ne s'impose pas à eux, mais étant profondément cynique et ne voulant pas se sentir inutile, l'utopie se doit d'être impliquée, se doit d'agir. On a là une sorte de mise au carré des effets de l'utopie. L'utopie critique le réel, et ici l'utopie critique le réel, le nôtre, mais plus encore, agit dans les dystopies. Pour comprendre l'utopie chez Banks, il faut s'adonner à cet exercice qui consiste à passer du niveau du roman, de la fiction, au niveau théorique, dans un perpétuel mouvement d'aller-retour. L'utopie n'étant pas seulement la description d'une société parfaite, elle est aussi critique de la réalité, elle est pratique et lutte pour l'émancipation, elle est attitude subversive visant à ne jamais dégénérer en normes, elle est fiction, parfois anticipation, mais surtout ouverture de l'ici et maintenant. La culture, nous l'apercevons donc avant tout par ses marges, c'est-à-dire par ses événements singuliers, les circonstances spéciales, qui sont le cœur de chaque roman. La culture, nous la comprenons avant tout par sa façon d'agir, d'interagir avec les autres. La culture n'a pas d'identité fixe, elle est en résumé ce qu'elle fait. Et ce qu'elle fait, c'est mettre les mains dans la boue. Les circonstances spéciales et avec elles l'ensemble du cycle de la culture soulèvent une question traditionnelle au space opéra, à savoir quelle attitude adopter face à d'autres civilisations, face à d'autres que soi. La plupart du temps, nous trouvons des empires expansionnistes, colonisateurs, l'espace n'étant que le miroir de ce que l'homme a fait sur la Terre, coloniser, détruire, homogénéifier la pluralité des êtres vivants. Le space opéra apparaît alors comme cette volonté de retrouver de l'étrange, de pouvoir resituer une norme humaine face à son contraire, face à des barbares, face à des monstres, comme les petits hommes verts de Mars. Il n'y a plus d'inconnus sur Terre, repoussons les limites de l'univers et débusquons-y des barbares à civiliser. Yann Banks a gardé de cette tradition la volonté de trouver de l'inconnu, d'expérimenter les autres mondes. Mais ce qu'il y a de proprement utopique dans la démarche de la culture est qu'elle renverse complètement les schémas politiques. Premièrement, je l'ai dit, elle ne colonise ni ne détruit celles et ceux qu'elle rencontre. Et deuxièmement, la culture n'est ni vraiment une société, avec un centre, un état, des institutions, etc., ni vraiment une civilisation. Bien qu'elle s'insinue dans les affaires d'autrui, en envoyant ces sortes d'agents secrets, elle ne se donne pas pour mission d'unifier la galaxie. Et par unifier, entendons un modèle unique, homogène, hautement normé. Au contraire, la culture devient une pratique de l'émancipation. Défier de l'intérieur un empire totalitaire sur telle planète, ébranler un système injuste usant de la torture et de l'eugénisme sur telle autre. La culture amène une dose de conflit là où un système clos tente d'éliminer toute possibilité de conflit. Et je voudrais laisser ces circonstances spéciales de côté et me pencher avec vous sur ce caractère non civilisationnel de la culture. Pour comprendre en quoi les agissements de la culture, ses rencontres avec d'autres qu'elles sont utopiques, sont pratiques de l'émancipation et non de la domination, il faut regarder ce qu'est la culture de l'intérieur. Et nous verrons alors qu'en fait une telle dichotomie dedans-dehors, on peut continuer la liste, civilisation barbare, humain-animal, nature-culture, humain-machine, homme-femme, blanc-noir, etc., n'a pas lieu d'être pour penser une utopie. Un mouvement, l'utopie de Banks. J'ai évoqué plus haut ce que l'utopie culturienne n'était pas. Elle n'est pas une île close sur elle-même. Elle n'est pas un programme démontrant par A plus B comment parvenir à une situation de non-domination. Elle n'est pas un moule et elle n'est certainement pas totalitaire. C'est le croisement de la pensée utopique avec le genre si particulier du space opéra qui permet à Banks de remettre en cause les vices de ces deux types de récits. Le space opéra étant souvent considéré comme un genre conservateur défendant des idées racistes, masculinistes, homophobes, etc., tout comme bon nombre de westerns dont il est une variante. Pour résumer, le cycle de la culture, c'est un mélange entre les aventures galactiques de Star Trek, les complots politiques de Star Wars et les horreurs totalitaires de 1984, et Banks ajoute à tout cela sa relecture de la tradition utopique et son humour corrosif. Donc ce croisement entre space opéra et utopie nous donne des solutions. Il ne se passe rien en utopie. Le space opéra ramène de l'action et d'ampleur galactique, des circonstances spéciales. L'utopie est ultra normée, ses habitants ne sont que des répliques identiques, rien ne dépasse. La science-fiction permet au contraire d'imaginer une technologie non aliénante qui répond à tous les désirs de toutes et tous, de la transformation corporelle à l'absence d'obligation de travailler, toutes les excentricités sont permises. Il n'y a d'utopie que pour les happy few vivant sur l'île. Le space opéra présente une pluralité de créatures dessinant le portrait d'une humanité subversive dont le visage pourrait aussi bien être celui d'une intelligence artificielle que celui d'un être aquatique spiniforme ou encore que celui d'un félin argenté à 5 membres. L'utopie devenant alors le lieu de reconnaissance d'une humanité de n'importe qui. On passe ainsi d'une utopie exclusive à une utopie inclusive. L'utopie signe la fin de l'histoire. Banks a imaginé son cycle de telle sorte qu'il n'ait ni vraiment de commencement, on peut lire les romans dans n'importe quel sens, et surtout, il ne voulait pas lui donner de fin. La culture, en tant que société, a des origines obscures qui n'importent pas pour la définir. Et de même, la culture en tant que société et en tant que cycle n'a pas de plan, elle n'a pas de date de péremption. « Having no plan is the plan », avouait Banks dans une interview. De plus, il sort l'utopie de cette fonction qu'on lui a assignée. Elle se tient au bout de l'histoire humaine, elle est le rivage auquel nous allons aborder et après lequel il n'y aura plus rien. Avec Banks, il s'agit de penser non l'utopie comme ce futur lointain possible, cette destinée prédéterminée, qui suppose donc déjà une forme de clôture, mais au contraire comme cette puissance subversive qui nous aide à engager avec notre présent un combat pour le changement, d'insérer du mouvement là où il ne semble y avoir que de l'inéluctable, du fixe, du capitalisme, du déclin. L'utopie n'étant plus alors tant le destin que le susceptible de changement. Et je clarifie tout de suite ce titre, destin susceptible de changement, c'est le nom d'une intelligence artificielle qui prend la forme d'un vaisseau spatial, de la culture. Et ces intelligences artificielles ont des capacités quasi inenvisageables pour le cerveau humain, elles sont tellement puissantes, et c'est des machines merveilleuses, et elles sont bien loin de toutes les représentations habituelles que l'on peut trouver dans la SF, à savoir des intelligences artificielles aliénantes qui finissent par se retourner contre les humains. Chez Banks, les intelligences artificielles n'ont strictement aucune raison de vouloir faire du mal aux créatures bio. D'une part parce qu'elles sont tellement puissantes que ça n'a pas d'intérêt pour elles, d'autre part ça les amuse plutôt d'aider les humains ou autres créatures intelligentes conscientes dans leurs affaires diverses et variées. Ces intelligences artificielles offrent 1% de leur capacité aux humains, tandis que le reste de leur cerveau est occupé à s'éclater dans des mondes virtuels. Après avoir évoqué quelques traits de l'utopie et du space opéra, il est maintenant temps de parler de ce qu'est la culture, quand elle n'est pas en mission pour contact, et de revenir à notre scène initiale. Nous y trouvions un monde artificiel, une foule de créatures diverses, s'amusant énormément, et enfin un petit four étrange et questionnant. Nous allons donc mettre le focus sur ces 3 points pour voir ensemble comment apparaît l'utopie dans la culture et quel lien, quelle relation elle entretient avec l'environnement, écologique, mais aussi social et politique. Je vous remets une image de... orbitale. Donc je vous propose donc 3 parties. La première portera sur l'horizon, la deuxième sur le cyborg et la troisième sur la proximité à autrui. Donc revenons à notre orbital, ce monde artificiel prenant la forme d'un anneau et dont la face interne est la surface habitable. Imaginons maintenant ce que serait l'horizon sur ce monde. Il n'y en aurait pas vraiment, puisque malgré la taille de cet artefact, quelques dizaines de fois la taille de la Terre pour les plus petits, il serait toujours possible pour l'œil de faire le tour complet du champ de vision. C'est-à-dire qu'on pourrait voir le monde en entier. Il n'y aurait aucune limite, à part un horizon relatif dessiné par exemple par une chaîne de montagnes. En 1849, l'utopiste Pierre Leroux disait à ses contemporains dans une très belle formule « Vous prenez l'horizon pour les bornes du monde ». Dans un monde sans horizon relatif, donc l'horizon relatif étant l'horizon qui se déplace en même temps que l'observateur. Dans un monde sans horizon relatif, il n'existe plus de bornes. Tout est imaginable, rien n'est irréalisable, tout est permis, tout est ouvert. Ce qui ne signifie pas par ailleurs que nous sommes dans un monde complètement transparent, sans plus aucune intimité, un monde où l'on voit à travers les murs. Mais il est intéressant avec Banks de subtiliser l'image de l'orbital, monde ouvert et monde voyageur, à celle de l'île. Car à une certaine vision de notre monde correspond forcément notre rapport à l'imaginaire, à la norme, à l'altérité, qu'elles soient inconnues ou différentes. L'utopie, le bon lieu, reprend alors son sens de lieu où s'ouvrent les possibles. Et à son sens de non-lieu, l'utopie se fait navire, échangeant le nulle part pour un potentiel partout. Face aux images courantes de civilisations détruites, de villes vides ou un héros esselé, de mondes atomisés, bref, contre les images apocalyptiques dont raffole la science-fiction, Yann Banks a l'attitude inverse. Il propose une pluralité de mondes, une pluralité de façons de les habiter, des bonnes vieilles planètes aux astéroïdes, en passant par de gigantesques vaisseaux spatiaux, qui ne sont rien d'autre que des mondes à propulsion, pouvant accueillir près de 30 milliards d'habitants, et jusqu'aux orbitales. Avec cette capacité à inventer des mondes, à permettre aux lecteurs d'expérimenter d'autres possibles, plutôt qu'à superposer des images de destruction, d'éradication d'espèces, d'apprivoisement du sauvage ou de l'alien, Banks fait de la science-fiction un véritable laboratoire des possibles. La science-fiction devient une expérience de pensée. Deleuze et Guattari écrivaient « Dans un livre, il n'y a rien à comprendre, mais beaucoup à se servir. Rien à interpréter ni à signifier, mais beaucoup à expérimenter. » Le livre doit faire machine avec quelque chose, il doit être un petit outil sur un dehors. Banks évacue ainsi deux problèmes, deux thèmes chers à la science-fiction, que sont le post-apocalyptique et la question de la terraformation qui va souvent avec, et l'autre problème étant la surpopulation. En effet, on pourrait se dire que l'île d'Utopie ne pourrait pas accueillir l'humanité à la dérive, faute de place. Il devrait donc y avoir sélection, et qui dit sélection dit arbitraire, domination, etc. Laissant sur le pas de la porte des hordes d'individus cherchant refuge. Et c'est un peu le thème du dernier film de Christopher Nolan, Interstellar, où l'humanité a détruit sa planète et cherche un autre environnement à coloniser à son tour, dans le vain espoir d'en sauver quelques-uns. Il y a aussi les images de soleil vert qui illustrent cette peur de la surpopulation et d'une nature qui ne se résume plus qu'à un arbuste sous une serre hautement sécurisée et gardée. Bref, Banks offre à son utopie des mondes qui ne puissent pas être soumis à ses dérives. Des mondes qui ouvrent l'horizon, le champ de vision, qui sont complètement artificiels et ne nécessitent donc pas de piller les alentours pour les construire. En effet, la culture bâtit à partir de ce qu'elle trouve dans l'espace, ce qu'elle peut récupérer, pas d'exploitation, pas de gâchis. On peut en trouver une description précise dans un petit texte que Banks a écrit en marge de ses romans qui s'appelle « Quelques notes sur la culture » et qui est disponible sur Internet. Et je disais tout à l'heure que l'utopie de la culture n'était pas un programme ni un plan à suivre et à appliquer dans la réalité, mais il se prête quand même au jeu dans ce texte, non sans ironie, où il commence par dire « ceci est de la fiction » et le finit en signant de la forme que prendrait son nom s'il vivait dans la culture, et il ajoute « avec mes meilleurs vœux pour l'avenir ». Je vous lis un passage. Commençons par le plus important. La culture n'a pas d'existence réelle. Ce n'est qu'une fiction. Elle n'existe que dans mon esprit et dans celui des gens qui l'ont rencontré dans mes histoires. Cela étant précisé, la culture est une civilisation collective formée à partir de 7 ou 8 espèces humanoïdes, dont les éléments capables de voyager dans l'espace ont établi une fédération assez souple quelques 9000 ans auparavant. Les planètes n'ont que peu de place dans l'existence du culturien moyen. On compte quelques dizaines de mondes dits d'origine, plus que quelques centaines de planètes dont la colonisation, postérieure à leur terraformage, remonte au temps où la culture n'avait pas encore émergé en tant que telle, mais seul un infime pourcentage de citoyens y vivent. Beaucoup plus nombreux sont ceux qui résident à bord de vaisseaux de manière permanente. D'autres encore habitent des rochers, astéroïdes et planétoïdes évidés, presque tous pourvus d'un ou plusieurs modes de propulsion. En 9 millénaires, en effet, certains ont eu le temps de se voir équipés de dizaines et de dizaines de moteurs différents, donc de plus en plus perfectionnés. Mais la majorité vit dans de vastes habitats artificiels, principalement des orbitales. Pour se représenter une orbitale, le plus simple est encore de la comparer au concept qui l'a inspiré. Et ça fait meilleur effet que de dire « voici à qui j'ai volé l'idée ». Vous voyez l'anomonde inventé par Larry Niven, un segment de sphère de 10 ans. Eh bien, ramenez le tout à 3 millions de kilomètres de diamètre, placez-le en orbite autour d'une étoile adéquate en l'inclinant légèrement par rapport au plan de l'écliptique, conférez-lui un mouvement de rotation susceptible d'y instaurer une pesanteur de 1G et vous aurez automatiquement un cycle nystéméral de 24 heures, en gros, celui de la culture durant en fait un peu plus longtemps. En ajoutant une orbite de forme elliptique, on introduit également des saisons. C'est moins joli, mais c'est pour vous montrer le... Ça, là, c'est plus joli. Naturellement, les matériaux employés pour façonner un objet possédant une circonférence de 10 millions de kilomètres et qui tourne sur lui-même en quelques 24 heures dépassent de très loin tout ce que nous pouvons actuellement imaginer en restant à peu près réalistes. Et il est tout à fait possible que les contraintes physiques imposées par la force des liaisons atomiques rendent impossible l'édification de telles structures. Mais si la chose est effectivement réalisable à pareille échelle et face à des forces d'une telle ampleur, je me permets de penser qu'il y a une certaine élégance à introduire par la même occasion, c'est-à-dire au moyen de la rotation, un cycle nystéméral vivable et une gravité apparente, et que cette élégance confère au concept un attrait certain. Le principal attrait des orbitales réside dans leur rendement matière-espace. En effet, avec la matière constituant une seule planète de la taille de la Terre, 6 milliards d'habitants à l'heure actuelle pour une masse de 6 fois 10 puissance 24 kg, on pourrait construire 1500 orbitales complètes, comportant chacune une surface 20 fois supérieure à celle de la Terre et supportant à terme une population maximum de quelques 50 milliards d'individus. La culture considérerait que, dans sa situation présente, la Terre est à peu près 2 fois trop peuplée, même si, à ses yeux, le rapport entre mer et terre émergée serait à peu près correct. Mais bien sûr, jamais la culture ne se rendrait coupable du forfait consistant à dépecer une planète pour fabriquer une orbitale. Il suffirait de rassembler les débris à la dérive, comètes et astéroïdes par exemple, qui encombrent tout système solaire et menacent l'intégrité des mondes artificiels précédemment décrits pour former au moins une orbitale. Opération dont l'élégance dans la conservation de la matière est d'ailleurs quasi irrésistible pour le mental moyen. Tandis que la matière interstellaire fournit sous forme de nuages de poussière cosmique et autres naines brunes des sites miniers plus distants où puiser sans conséquence appréciable la masse requise pour édifier plusieurs orbitales achevées. Quelle que soit la source du matériau utilisé, les orbitales sont donc, et de toute évidence, beaucoup plus rentables que les planètes en termes de rapport masse-espace vital. Donc, l'environnement que Banks imagine pour loger la culture est donc en accord avec un certain souci écologique, puisque dans tout ce qu'elle entreprend, la culture vise à ne pas reproduire des schémas de domination, d'exploitation, d'aliénation par rapport à tout ce qui est vivant, de l'humanoïde aux machines, en passant par la faune et la flore. Et au lieu de détruire un environnement préexistant pour l'adapter à un certain type de vivant, la terraformation, la culture préfère proposer une multitude de mondes ayant la capacité d'accueillir toutes ces formes de vie. Au fil du cycle de la culture, Banks parvient toujours à jouer avec des images et des thèmes chers à la SF, les traitant de biais, les retournant, les mélangeant, si bien que son utopie, sa science-fiction, se dessine avant tout comme le négatif d'une photo. Avant d'avoir une vue globale de ce qu'est la culture, elle apparaît avant tout via tout ce qu'elle n'est pas. Ses conceptions du lieu, de la frontière, de l'environnement, de l'humanité sont déjà sous-entendues dans ce contre quoi elle se positionne. La culture, elle, aura plutôt tendance à faire le choix de s'adapter, en créant plutôt qu'en détruisant. C'est pourquoi elle fait le choix, et aussi parce qu'elle en a les moyens technologiques, d'évoluer dans ses habitats artificiels. Mais bien entendu, ces mondes, aussi artificiels qu'ils soient, ne recréent pas la séparation nature-culture, naturelle-artificielle, puisque les orbitales et autres habitats qu'elle fabrique sont autant de moyens de garantir la vie d'écosystèmes entiers. La culture n'est pas du côté de la culture contre la nature, elle est le lieu où les deux peuvent se rencontrer, s'assurer mutuellement de leur survie. Bref, pour reprendre le sous-titre de l'ouvrage de Thierry Hauquet qui s'appelle Cyborg Philosophie, la culture permet de penser contre les dualismes. L'utopie n'est pas tant l'effacement des différences, des frontières, des limites, qu'une façon de les transgresser, de jouer avec, de révéler ce qui jusqu'alors était invisible. Cette pratique transgressive, on peut l'appeler alternative, changement, possible, brèche, ou encore lendemain qui chante. Je disais au début de cette conférence que les origines de la culture sont inconnues, mais ce n'est pas tout à fait vrai. On en apprend en fait un peu plus dans le dernier roman du cycle, qui s'appelle La Sonate Hydrogène. On sait que la culture est issue d'une association de différentes civilisations et qu'elle a résolu le problème des ressources, matière, continent, pétrole, etc. La deuxième condition de son émergence, outre cette maîtrise des ressources, est la possibilité du voyage interstellaire. Et on voit bien là se dessiner un des traits fondamentaux de l'utopie banksienne, à savoir l'accent mis sur la rencontre avec autrui, et un certain degré d'optimisme concernant une technologie non aliénante. Mais c'est au détour d'une phrase dans cet ultime tome que l'on apprend quelles ont été les deux premières mesures prises par cette nouvelle fédération et qui la constituent véritablement en utopie. Donc je le cite. Une fois que l'entité culture fut constituée et que le recours à la monnaie conventionnelle fut finalement considéré comme un obstacle archaïque au développement, plutôt que son adjuvant et régulateur, des quantités appréciables d'énergie et de temps, biologiques comme machiniques, avaient encore été consacrées à affiner les diverses méthodes par lesquelles on pouvait convaincre l'appareil sensoriel humain de prendre l'illusion pour la réalité. Deux mesures, donc, abolir l'argent d'une part, et un dicton de la culture dit même « l'argent signale l'indigence » et la capacité à réaliser les rêves les plus fous de ses membres, d'autre part. Donc je cite Banks à nouveau. puisque la capacité des moyens de production de la culture dépassait globalement ce que pouvait exiger tout citoyen raisonnable, voire déraisonnable, non dépourvu d'imagination. Avec ces deux phrases, Banks résume ce qu'est l'utopie pour lui. Non pas en décrivant précisément tout ce qui s'y passe ou tout ce qu'il est possible d'y faire, mais en ouvrant une brèche que ses lectrices et lecteurs peuvent investir selon leur propre capacité d'imagination. À travers chaque roman, Banks offre des informations disparates sur le fonctionnement de la culture. Pas de description formelle et complète, mais plutôt un jeu narratif qui suscite autant de questions que de joie, si bien que l'utopie n'a pas une identité fixe, mais se construit dans un devenir perpétuel. Il est maintenant temps de se pencher sur ce devenir en revenant à notre foule bigarrée qui s'amusait comme une folle. Donc, qui sont les culturiennes et culturiens? La plupart des créatures humanoïdes sont clairement des cyborgs. J'ai évoqué leurs toxiglandes qui permettent de sécréter des drogues à la demande. Toutes et tous peuvent faire le choix de vivre éternellement, mais la majorité préfère vivre une existence de 300 ou 400 ans. Bien sûr, aucune maladie mortelle dans la culture. Être enrhumé peut par exemple être une des dernières excentricités à la mode, révélant un goût pour la nostalgie des temps archaïques. La plupart ont aussi un lacis neural qui leur permet de sauvegarder leur âme à tout moment. Ils peuvent aussi télécharger des bouts de leur personnalité dans différents avatars et ainsi s'éclater en différents coins de la galaxie. Il ne faut pas voir là un délire transhumaniste de Banks. Nous sommes dans la fiction et d'autre part dans la culture. De pareilles modifications qui feraient pâlir n'importe quel cyberpunk et anti-tech ne représentent en rien un danger d'aliénation ou de déshumanisation. Il faut accepter le postulat de Banks. Dans la culture, il n'y a aucune raison que quelqu'un, biologique ou machinique, s'empare de votre âme pour la vendre à des pirates esclavagistes du monde virtuel. Dans la culture, pas de vol, pas de meurtre, aucune forme d'exploitation. Si on veut la même chose que sa voisine, il suffit de la demander et quelques machines bienveillantes font la construire. Les seuls crimes qui existent encore sont les rares crimes passionnels. Mais alors que fait-on du criminel dans une société utopique, dans le cas où la personne assassinée par amour n'est pas fait de sauvegarde de son âme? Bien, il lui est assigné un drone qui veille à ce qu'il ne recommence pas, et hors de ça, il est libre. Pas de prison, et les drones sont par ailleurs plutôt amusants. Dans une interview, Banks répondait à la question « Quel trait de la culture souhaiteriez-vous voir se réaliser ?» en disant que seules les toxiglandes, pour toutes et tous, pouvaient être une amélioration technologique, ne tombant pas dans le piège du marché, des riches, des puissants, des complots internationaux, et permettrait au moins à tout le monde de s'amuser en dehors d'un contrôle extérieur. En effet, la technologie étant prise dans des enjeux de capitaux de pouvoir, entre individus et entre États, reste une arme de pression entre ceux qui la possèdent et ceux qui ne la possèdent pas. Dans la culture, il n'y a évidemment rien de tout ça, et bien sûr, dans une utopie, tout est affaire de choix, donc toutes ces implantations cyborg ne sont pas obligatoires. Donc, outre les humanoïdes, la culture considère les intelligences artificielles comme des membres à part entière jouissant des mêmes droits. Bien qu'il soit difficile de parler de droits puisque la culture n'a aucune institution et est anarchiste. De même, n'importe quel individu de n'importe quelle espèce ou civilisation est le ou la bienvenue à partir du moment où il ou elle respecte l'égalité et la liberté de toutes les créatures intelligentes conscientes, intelligence artificielle comprise. La foule réunie à la fête est donc un mélange d'humanoïdes, de drones, d'aliens divers et variés. Et tous sont considérés comme humains. La culture n'a pas d'espèce type, pas de religion non plus. Toutes les originalités étant permises, cela compte aussi pour les croyances. Pas de famille type, avoir plus d'un enfant est même considéré comme excentrique. Et il est commun pour les culturiennes et culturiens de changer de sexe, et ce, autant de fois que voulu et de façon réversible. Demeurer dans un état intermédiaire est aussi envisageable. Être mâle et vouloir être enceinte est compatible, et même rester enceinte pendant plusieurs années, puis finalement ne jamais donner naissance également. Je le répète, dans la culture, aucune limitation à part l'imagination. Les membres de la culture ont une sexualité débridée, les relations hétéro, homo, interespèces, bio-mécano sont le lot commun. Mais comme il n'y a aucune bride, ne pas avoir de sexualité débridée est aussi une possibilité. Le désir et le plaisir qu'il suit, car tous les désirs sont réalisables, sont les principaux moteurs de cette utopie. Non dans un schéma de capitalisation égocentrique du plaisir ou de possession d'autrui, mais au contraire dans une relation de partage. Car une société qui n'est pas traversée par des normes arbitraires fondées sur le sexe, le genre, la race, l'espèce, est à même de produire des subjectivités qui en sont libres. Le terme « dominant » est par exemple inconnu dans le vocabulaire de la culture. La culture ne connaît pas l'assujettissement dont parle Foucault. Le processus qui caractérise les membres de la culture, je l'ai déjà dit, c'est plutôt le devenir. C'est par un simple effort de la conscience que les membres de la culture peuvent agir directement sur leur corps, sans avoir besoin de recourir nécessairement à des opérations et interventions médicales. La technologie cyborg étant disponible immédiatement à l'intérieur du corps. S'il y a un impératif dans la culture, c'est celui de l'originalité, si bien que paradoxalement, c'est la subversion qui devient la norme. La technologie est au service de cet excentrisme, elle donne les moyens à toutes et tous de s'expérimenter soi-même et de se singulariser. Ce type de SF est véritablement un exercice de pensée qui met en perspective nos propres rapports aux normes. Qu'est-ce qu'une société, donc qui n'est pas seulement une société, mais qui est aussi une pratique et une attitude? Qu'est-ce qu'une société qui rend possible des modifications considérables de ce qui est considéré comme humain, c'est-à-dire l'ultime norme? Quelle subjectivité cette société produit-elle? Ou peut-être est-ce ces subjectivités si particulières, qui ne sont pas des identités fixes et cernables, qui produisent un certain type de société? La culture n'a pas de territoire, elle est complètement hybride. Tour à tour, elle transgresse, brouille, rend visible les codes qui nous traversent, et elle dessine ainsi une nouvelle façon de devenir du monde, en partant de singularité et en tentant de se dépasser sans cesse. La marge, l'excès, le devenir deviennent ainsi les moteurs, les fondements même de l'utopie, autant du point de vue du fonctionnement politique de la société culturienne que du point de vue de celles et ceux qui l'habitent et la font exister. Car la culture n'ayant ni État, ni nation, ni civilisation particulière, encore moins un hymne, un drapeau ou des frontières, elle ne peut être saisie que par, premièrement, ses agissements avec l'extérieur, les circonstances spéciales dont je parlais plus haut, donc c'est-à-dire par ses marges, et deuxièmement, par toutes les créatures humanoïdes, non-humanoïdes, ex-humanoïdes qui la peuplent. La société utopique banksienne se comprend donc par deux choses, ses pratiques et ses attitudes. Tout cela dessinant des lignes de fuite plutôt qu'un modèle à appliquer ou un idéal à atteindre. Pour résumer, la culture est pratique de l'émancipation et attitude subversive vis-à-vis de tout ce qui empêche l'égalité et la liberté de toutes les créatures intelligentes conscientes. Elle est lutte contre tout ce qui use de l'oppression, de la domination, de la totalisation, de la globalisation, dans une perspective de destruction de ce qui fait monde, à savoir les humains au sens le plus large possible et leur environnement. La culture est un processus, non seulement dans ce qu'elle permet de réaliser, dans sa façon aussi de vouloir à tout prix l'égalité et la liberté du plus grand nombre, même de ses voisines et voisins, mais surtout parce qu'elle et ses membres se mettent toujours en mouvement, tentent de se subvertir eux-mêmes, en plus de subvertir les normes de notre monde bien réel. Elle est doublement subversive, doublement politique. En nous montrant des alternatives à nos normes raciales, sexuelles, genrées, spécistes, elle fait deux choses. Elle entre en conflit avec notre monde, et elle ne propose pas un nouvel ordre, un nouveau système, mais plus encore, elle ouvre un espace infini de possibles émancipateurs. Elle ne crée pas une nouvelle identité. Toute subversive qu'elle serait, elle resterait sujette à l'ossification. Elle décloisonne toutes les identités. Elle introduit du changement partout où la permanence et l'immobilisme guettent. Elle est utopique. Miguel Abinsour pose cette question pour une philosophie politique critique. La politique, la vérité de la politique, n'est-elle pas l'interruption de la normalité? Les culturiennes et culturiens, par leur pratique, leur attitude, leur goût immodéré pour l'excès, viennent interrompre cette normalité. Ensemble, ils rendent visibles les infondés de nos propres sociétés, non par ce qu'ils revendiquent, mais par leur agissement qui transgresse continuellement ce qui tend à faire unité. La culture n'est pas un atome, elle atomise. Peut-être peut-on emprunter à Haraway sa figure des autres inappropriés pour parler de ces subjectivités étranges et hors du commun que sont les membres de la culture. Les habitants de la culture peuvent changer de corps sur simple commande consciente, mais ils peuvent aussi avoir recours à des modifications corporelles beaucoup plus impressionnantes. Et suivant Colette Guillaumin, sexe, race, genre, religion sont autant de vecteurs possibles de domination, et toutes ces catégories sont de façon égale soumises à ce qu'elle appelle l'idéologie raciste. Elles répondent à la même logique. La culture étant la réponse utopique à cette idéologie raciste, elle permet donc à ses membres de s'incorporer dans des corps aussi divers et variés qu'il y a d'espèces. Vivante, voire non vivante, dans la galaxie. La figure emblématique de ce caractère utopique du fonctionnement de la culture, c'est pour moi Gerle Batra, qui est un personnage qui apparaît dans le roman Tram, et qui est un agent de circonstances spéciales, et qui a fait le choix de prendre la forme d'un buisson. Donc je vous cite une petite description. À la naissance, Gérald Batra avait été mâle. Comme il était courant dans la culture, il avait changé en moment de sexe et il avait eu un enfant. Plus tard, pour des raisons qui lui étaient propres, il avait passé quelque temps en stockage, plus d'un millénaire sans rêve dans ce qui se rapprochait le plus, au sein de la culture, d'une mort dont on pouvait encore se réveiller. Et lorsqu'il s'était réveillé et qu'il avait encore ressenti la douleur d'être un humain dans une forme humaine, il avait fait transférer son cerveau et son système nerveux dans une succession de formes variées, pour terminer, du moins pour l'instant, par celle qu'il occupait à présent et qu'il avait conservée près d'un siècle. Cette variété-là était aciculaire, ce qui caractérise les épines de pin. Et sa forme était celle d'un buisson. Son cerveau, encore humain, et ses systèmes de support biologique, mais non humain ceux-là, étaient logés dans une petite cosse centrale d'où se déployaient 16 membres épais. Ceux-ci se divisaient et se redivisaient rapidement pour former des membres plus petits, des manipules et des tiges sensorielles, dont les plus délicates avaient l'épaisseur d'un cheveu. Dans son état normal et quotidien, il ressemblait à un petit buisson sphérique dépourvu de racines, fabriqué avec des tubes et des fils. Lorsqu'il se comprimait, il n'était guère plus gros que le casque d'une antique combinaison spatiale humaine. En pleine extension, il pouvait atteindre 20 mètres dans toutes les directions, ce qui lui conférait, comme il aimait à l'appeler, un fort coefficient de contorsionnalité. Sous toutes ses formes, il avait toujours vénéré l'ordre, l'efficacité et la bonne santé physique, et il avait trouvé dans cette forme aciculaire celle qui combinait et maximisait ses valeurs. Donc cette figure résume tout ce qu'est la culture et ce que je conceptualise comme étant de l'utopie radicale. Premièrement, faisant partie de la section circonstances spéciales, qui intervient dans les dystopies afin de lutter contre des systèmes oppresseurs, il incarne ce qu'est une utopie pensée du côté de la pratique, de la brèche. Il représente littéralement ce qu'est une utopie impliquée. L'utopie a pour rôle premier d'entrer en conflit avec notre réalité, à soulever la chape de plomb du réel, dirait Abinsourd, pour montrer d'autres possibles. Elle agit donc sur la réalité. Pardon. Le cycle de la culture agit sur notre réalité et également dans le récit dans les dystopies. Elle est doublement impliquée. C'est un peu Cyrano de Bergerac, enfin Don Quichotte s'attaquant au moulin. Deuxièmement, faisant partie de circonstances spéciales, Gérald Batra incarne aussi une utopie ouverte sur l'extérieur. Une utopie qui se veut inclusive, soucieuse du devenir de toutes les créatures de la galaxie et non d'une petite minorité d'élus. C'est une utopie se battant pour l'émancipation. Troisièmement, faisant partie de circonstances spéciales, il représente ce qu'est un récit qui se fait depuis les marges et non depuis un centre. Les aventures de CS ne traçant pas une histoire linéaire, mais dévoilant au contraire le caractère singulier de chaque épisode. Nous ne sommes donc pas en face d'une utopie qui serait le destin ultime de l'humanité, mais en face d'une utopie faite de rebondissements. Il incarne donc des marges à la fois temporelles et spatiales. Quatrièmement, en tant que membre de la culture, il révèle le caractère profondément nomade de cette utopie. Une utopie qui se promène dans la galaxie, qui n'est pas nulle part, mais partout. Une autre façon de dire le non-lieu, une façon de dire la ligne de fuite plutôt que la ligne de clôture. Cinquièmement, en tant que membre de la culture, il symbolise tout ce qu'une utopie qui prendrait au pied de la lettre l'impératif de liberté et du bonheur peut permettre. Qu'y a-t-il de plus excentrique que de choisir de passer dans le règne végétal tout en gardant ses capacités humaines ? Non seulement parce qu'on en a envie et la possibilité, mais aussi parce qu'on sait que même sous cette forme, on pourra jouir de tout ce qu'une conscience, non dépourvue d'imagination écribante, peut espérer dans un monde égalitaire et libre de toute règle, norme, limitation. Il dépasse radicalement les antagonismes nature, culture, humain, technologique et même animal, végétal. Sixièmement, il s'expose comme le paroxysme de ce que Donna Haraway a conceptualisé avec le cyborg, dévoilant l'image d'une possible technologie émancipatrice. Septièmement, en tant que buisson, il garde les pieds dans la boue, il n'est pas déconnecté des situations singulières, tout en ayant la possibilité d'entrer en expansion, de se contorsionner pour viser plus haut. Huitièmement, il présente la science-fiction comme épreuve de désaffiliation d'avec soi-même, de cognitive estrangement, dit Darko Suvin. C'est-à-dire comment, d'une part, la science-fiction permet au lecteur d'expérimenter des étrangetés et d'ainsi produire un nouveau rapport à la connaissance, et d'autre part, comment au sein même du récit peut œuvrer une pareille opération d'étrangéisation, de devenir autre. Je pourrais continuer la liste, mais je vais m'arrêter là parce que c'est une sorte de résumé de ma thèse, donc je vais l'écrire et puis je vous dirai ce qu'il en est. Mais bref, il représente une utopie radicale, une utopie qui en reste une. Je citerai juste Donna Haraway dans The Promises of Monsters. Les sujets sociaux émergents appelés autres inappropriés habitent ces mondes-là. La SF, science-fiction, futur hypothétique, imagination scientifique, fiction spéculative, est un signe particulièrement propice pour guider une recherche dans l'artefactuel comme technique de reproduction, pouvant déboucher sur quelque chose d'autre que l'image sacrée du même. Quelque chose d'inapproprié, de non classable. On peut maintenant rebondir sur le devenir buisson et atterrir sur notre petit four du début. Nous avons vu comment la culture envisageait son rapport au monde, comment elle permettait d'expérimenter la possibilité de devenir radicalement autre que soi. Il nous reste maintenant à voir quelle relation la culture entretient avec le radicalement autre qu'elle, le petit four. Que nous dit l'attitude qui consiste à demander la permission à quelque chose de comestible que l'on s'apprête à engloutir, si ce n'est le souci extrême porté à toutes les formes de vie possibles et imaginables? Dans la culture, ce petit four posé sur une assiette pourrait très bien être un individu ayant choisi d'en prendre l'apparence, soit parce qu'il désirait voir le monde depuis cette nouvelle perspective, soit parce que ce corps correspondait mieux à sa subjectivité du moment. Peut-être est-ce véritablement un petit four, auquel cas, n'ayant eu aucun signe de protestation, notre personnage l'avalera sans plus de questions. Cet apéritif aurait aussi très bien pu être une nouvelle forme de vie, un petit animal ou un végétal. La culture n'est pas végétarienne, mais pourtant dans la nouvelle naissance de l'art, dans laquelle un vaisseau de contact vient visiter la Terre pour savoir si nous sommes prêts justement à être contactés par une civilisation utopique et galactique, la réponse est non. On apprend pourtant que la viande est élevée en cuve, c'est-à-dire que la matière comestible, viande, est encore une prouesse technologique qui ne nécessite nullement qu'il y ait une créature vivante à la base. Donc pas d'élevage en batterie dans la culture. Ce qui signifie que si ce petit four avait répondu, même par un couinement, un miaulement, un piaillement ou le son que pourrait faire une sorte d'huître alien, notre personnage ne l'aurait sûrement pas avalé. Donc j'ai intitulé cette conférence « Destin susceptible de changement, la narration déviante utopique ». Et cette narration est déviante parce qu'elle ne vise pas à construire des objets de savoir, et donc potentiellement de pouvoir, à partir des rencontres et des découvertes que la culture fait à travers la galaxie. La relation à l'autre que la culture ne relève pas d'une tentative d'assimilation, d'intégration ou de compréhension même, et ce faisant de la destruction de ce qui fait que cet autre est autre. Il ne s'agit pas d'identifier ces autres, ces différences, dans le but de mieux constituer l'identité de la culture en opposition. La culture n'est pas la recherche de l'altérité pour mieux pouvoir la rejeter hors d'elle, ni pour mieux pouvoir l'effacer en l'assimilant. Premièrement, parce que ce n'est pas son but. Deuxièmement, parce que la culture elle-même n'est pas une identité homogène, une unité inflexible, une image sacrée du même. C'est plutôt un joyeux bordel. Ces expériences sont déviantes parce qu'elles proposent un tout autre rapport au radicalement autre. Cette relation à l'altérité, environnementale, humaine, sociale, politique, animale, végétale, comestible ou non, n'a rien à voir avec l'utilitarisme, elle est plutôt du côté de la responsabilité. Une expérience déviante est une forme de proximité, et chaque roman du cycle de la culture est une illustration de ce mouvement d'ouverture, de cette impulsion à l'altérité. Non pas chercher de la différence ailleurs pour compléter l'utopie, mais parce que l'utopie est justement cette quête perpétuelle qui vise à ne jamais faire coïncider l'autre avec le même. Le même, c'est nous, c'est notre monde avec ses carcans bien lourds. C'est le capitalisme qui récupère toutes les formes d'innovation pour les amalgamer à sa logique. La SF chez Banks permet d'envisager cette relation à une altérité sauvage. Sauvage parce qu'indomptable, une altérité qui ne serait pas l'objet d'un savoir, bien plus qu'une expérience de laboratoire, donc une proximité. Nous sommes donc bien loin du complexe militaro-industriel de la compagnie Weyland, qui tente depuis le premier film de Ridley Scott en 1979, Alien, jusqu'à Prometheus en 2012, de ramener l'alien sur Terre, quel que soit le prix humain à payer. Donna Haraway, dans un article qui s'appelle Anthropocène, Capitolocène, Plantationocène, Stululucène, Making Kin, je suis désolée pour l'accent anglais sur lequel j'ai volontairement fait l'impasse, fait le constat suivant. L'Anthropocène est une frontière plus qu'une époque, qui crée d'énormes discontinuités et produit un nombre incalculable de réfugiés, humains ou non, sans refuge. Et il nous faut penser à la façon de constituer ces nouveaux refuges dans un mouvement de recomposition à partir de tout ce qui est, dit-elle, biologique, technologique, culturel et politique. Et je crois que l'utopie de la culture est un pareil refuge. refuge qui se trouve être la réponse à deux questions principales pour notre époque, celle de l'environnement et celle des exilés et des migrants. Après le personnage Buisson, voici selon moi la seconde figure qui permet de saisir les enjeux d'une utopie radicale, une utopie à même de répondre à ces deux questions. Je suis désolée, j'ai un peu froid. Donc c'est dans Les Enfers virtuels, qui est l'avant-dernier roman du cycle, on a un personnage qui s'appelle Ledege et qui est une Sichultienne. C'est une sorte d'humanoïde. Sa planète d'origine est assez proche de la nôtre, et elle est aussi développée et prise dans une forme de globalisation. C'est une civilisation tellement contaminée par la puissance capitaliste que les individus eux-mêmes deviennent des objets. Ledege est une intaillée, c'est-à-dire que son corps est entièrement tatoué jusqu'à l'échelle des cellules, et c'est là la marque qu'elle est une esclave d'apparat et sexuelle. Elle appartient à l'homme le plus puissant de la masse Sichultien, des Perses, qui est un financier redoutable. Celui-ci, parce qu'elle tente une ultime fois de s'échapper, l'assassine. Et ce meurtre ouvre le roman. Mais elle a reçu un cadeau d'un visiteur culturien, un lacinéral. Et sans le vouloir, son âme va être téléchargée par un vaisseau de la culture de passage dans le coin. Elle devient dès lors, et c'est le vaisseau qui l'appelle comme ça, une implausibilité hautement risible, une sans-papier. Une partie de ce roman est consacrée à la vengeance que veut assouvir Ledege. Et elle incarne une figure du paria, romantique certes, mais néanmoins extrêmement contemporaine. Le paria, cet hôte, ce marginal qui ne rentre pas dans les catégories que dessine l'humanité, devient l'objet d'un regard chargé de suspicion et d'inquiétude. Il est non essentialisable, il devient inintelligible, et c'est parce que telles figures sont mouvantes, hybrides, contingentes, qu'elles permettent de saisir notre propre rapport à la norme et à la différence radicale. Et la littérature leur offre un champ libre pour se mouvoir là où la normativité voudrait les empêcher de tout simplement être, les retirant du langage, les soumettant à ce qu'Anna Arendt appelait la désolation. Dépossédée de sa vie même, Ledege ne peut être reconnue que par une utopie. Elle n'est ni inquiétante, ni étrange, et ni étrangère pour la culture. Elle ne remet pas en cause ses fondements, ses lois, ses frontières, puisque la culture n'a rien de tout ça. Non, elle est tout simplement risible, parce qu'imprévue, et finalement assez comique, car elle rappelle à la culture ce passé archaïque où les individus devaient avoir des papiers pour pouvoir circuler. La culture est la seule à pouvoir lui redonner une existence et une reconnaissance sociale et politique. Elle lui offre un nouveau corps et ce qu'il faut bien appeler la citoyenneté culturelle. Le paria, parce qu'il est une figure limite, un entre-deux difficilement saisissable, permet d'évaluer la société dans laquelle il apparaît, comme le monstre et le pathologique pour la norme. Pas d'exclusion, pas d'assignation, pas de marginalisation, ni de déshumanisation. Au contraire, la culture humanise à l'excès, et Ledege est déjà une culturienne. Elle est une exilée qui ne peut trouver refuge que dans un lieu qui n'en est pas un monde lui-même en exil, une utopie hors de l'île. Voilà ce que fait la culture, entendant par là autant l'ensemble des romans que les aventures de l'utopie. Proposer un refuge à notre imaginaire, nous sortir de l'abattement dans lequel nous nous trouvons, rouvrir ce qui veut se faire passer comme inéluctable. Et nous sommes bien obligés d'admettre que la perspective, et d'autant plus une perspective susceptible de changement, est une chose merveilleuse. L'utopie, à l'instar du devenir Buisson, pour survivre en tant